Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Venez, installez-vous, une femme nous attend, elle est assise, elle aussi, elle nous regarde. Elle est représentée sur un tableau. Mais qui est-elle? Le peintre James Tissot a intitulé ce portrait « Mademoiselle LL ». Étranges initiales, identité mystérieuse. Elle porte une imposante jupe de satin noir et une veste d'un rouge vif, intense, une sorte de boléro. Vous savez, un peu comme la bedaya algérienne, la veste que portent les zouaves. Mais cette femme-là ne fait pas le zouave, non. Sans être grave, elle est posée, des livres à ses côtés. Mais qui est-elle? Pour ma part, sans conteste, il s'agit de Madame Bovary. Ah bah, tout simplement parce que ce tableau a été utilisé pendant des années pour illustrer l'édition de poche du roman de Flaubert. Et nous sommes des centaines de milliers sans doute qui attribuons ce visage peint par Tissot à Madame Bovary. Aujourd'hui encore, l'identité de cette femme est inconnue. Quant au peintre, James Tissot, s'en souvient-on? Il a su magnifier les costumes et les robes, des tenues sensationnelles, mais Tissot n'est pas simplement le peintre des tissus. Il est de ces artistes qui, à la fin du 19e siècle, ont connu la renommée et la fortune, et puis qui ont été quelque peu oubliés. Alors installons-nous, un artiste nous attend, c'est lui qui a peint le tableau. Dans le cours de l'histoire cette semaine, nous partons à la rencontre de grandes figures du monde de la culture qui sont restées confinées dans leur musée. Oui, nous avons Raphaël à Chantilly, nous allons parler du folklore à Metz aussi, du peintre Jean-Marie Delaperche à Orléans. Oui, le cours de l'histoire s'intéresse à ces expositions où tout était prêt, les œuvres étaient accrochées, mais hélas, qui n'ont pas pu être visitées ou en tout cas qui ont été fortement perturbées. Des émissions à réécouter sur le site franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion, et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de James Tissot. James Tissot à Orsay, et oui, une exposition qui a été, elle aussi, fortement chamboulée. Avec vous, Marine Kiziel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art, conservatrice des peintures au musée d'Orsay et désormais conseillère scientifique à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Marine Kiziel, il faut nous expliquer cette histoire toujours difficile, j'imagine, pour un commissaire d'exposition, de passer des années à préparer une exposition. Les cartons sont prêts, les cartons d'invitation, tout est envoyé, tout est accroché et bim, c'est inattendu, et c'était vraiment très inattendu, il y a le confinement. Le confinement a eu lieu vraiment au moment où l'exposition devait ouvrir. Oui, effectivement, on a en fait monté cette exposition dans des formes très habituelles, avec un rythme qui était très heureux. On est arrivé à la fin de ce montage quelques jours avant que tout s'arrête. Et en fait, notre cher Tissot, que nous avions patiemment par ses tableaux sorti des caisses pendant 2 semaines de montage et qui était enfin prêt à recevoir son public, à se montrer à lui aussi après bien des années d'éclipse, eh bien, est resté au noir. Et ce sont autant de belles et de beaux endormis qui effectivement sont là sur les cimaises du musée d'Orsay à attendre la lumière. Alors pour cette exposition, vous n'êtes pas la seule au commissaire. Hein. Vous avez fait cette exposition avec 2 autres commissaires, c'est Paul Perrin et Cyril Siama. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entrer dans le musée d'Orsay pour voir cette exposition vide, qui ne le sera peut-être pas tout le temps parce que nous espérons que le musée rouvre? Vous avez pu regarder ces tableaux accrochés comme vous le vouliez? J'ai eu la chance de les voir tous accrochés, je le disais avant le confinement, et depuis je n'y suis pas retournée pour ma part, mais mon complice Paul Perrin est effectivement entré dans l'exposition. C'est un peu un jeu d'enquête, un jeu de piste et aussi de grandes retrouvailles pour nous avec cet artiste. Et le voilà qui se promenait dans les salles avec son téléphone portable. Et j'ai eu, par la grâce de la technique, ma petite visite privée de l'exposition Tissot. Bien sûr, avant que nous espérions l'ouvrir à tous, parce qu'une exposition, c'est du travail, c'est une réflexion intime et un vis-à-vis avec un artiste. Mais c'est aussi la joie de le partager. Et c'est évidemment tout ce que nous souhaitons. Marine Kiziel, je vous propose que nous partions visiter une exposition, mais pas celle d'Orsay directement. Non, je vous propose que vous nous conduisiez au salon de 1859. Alors déjà, il faut rappeler ce qu'étaient les salons, un phénomène, un événement, quelque chose qui était attendu, observé par tout le monde. Qu'étaient ces salons ? Le salon, c'est la grande, la très grande, la magistrale exposition de l'art moderne, de l'art contemporain, de l'art qui se fait à l'instant même où on l'expose, à Paris, en France, Paris, capitale des arts, capitale d'une Europe des arts, mais peut-être aussi en ces années-là du monde des arts. Et le salon, c'est donc cette grand-messe artistique où le tout Paris se presse, où la foule aussi se presse, il faut le souligner, et où pour un jeune artiste, être vu, exposé, se montrer, briller, c'est espérer peut-être être connu et reconnu, acheté, admiré, et donc être en capacité de poursuivre, faire fructifier et faire fleurir sa carrière. Alors nous nous baladons dans ce salon de 1859, beaucoup de beaux tableaux, oh là là, plein de belles choses. Et puis nous allons nous arrêter devant quelques œuvres qui nous intéressent. Alors ces tableaux signés Tissot, qui est Tissot? Nous sommes en 1859 sous Napoléon III, donc on ne sait pas trop qui est ce jeune homme. Il a peint quelque chose qui nous rappelle un univers un peu médiéval, c'est à la mode d'ailleurs. Quels sont les premiers tableaux exposés par Tissot? Tissot, en fait, envoie en 1859 deux types de tableaux, quatre œuvres, qui sont assez significatifs pour le reste de sa carrière. Les deux premières, il les signe Jacobus Tissot, avec, vous l'entendez, un véritable souci de s'ancrer dans une histoire effectivement médiévale et en tout cas ancienne. Et ce sont des tableaux qui représentent Saint-Jacques le Majeur et Saint-Bernard d'un côté, Saint-Marcel et Saint-Olivier de l'autre, c'est-à-dire des figures de saints, des figures religieuses, dont on a pensé à un moment qu'elles avaient peut-être été peintes pour servir de carton aux vitraux de la petite chapelle néogothique que la maman de Tissot s'était fait construire dans le parc de leur propriété à Buillon en Franche-Comté. Mais Tissot envoie aussi des portraits et un tableau, Promenade dans la neige, qui montre qu'il regarde le visage de ses contemporains et des sujets qui, petit à petit, vont l'amener à son temps. Mais pour l'heure, il n'en est pas encore question, puisque cette promenade dans la neige est aussi teintée d'une saveur historique réelle. Et cela frappe, en vérité. Quelle est cette saveur historique ? Bien, Tissot, dans ses premières années, est un jeune homme qui a fréquenté l'école des Beaux-Arts, qui a fréquenté aussi le jeune Degas, avec lequel il est très ami, et qui a fréquenté les maîtres à sa manière. Et en fait, il s'intéresse aux maîtres anciens de la sphère germanique, Cranach, Holbein, Dürer, et il se fantasme en imagier médiéval. Il essaye de trouver une voie qui serait la sienne, qui serait celle aussi d'une peinture moderne, mais dans ce regard vers le passé. Et en cela, il est vraiment très inscrit dans la quête qu'un certain nombre de jeunes artistes formulent à cette époque, essayer de composer les termes d'une peinture moderne en s'inscrivant dans un historicisme, peut-être aussi des éclectismes qui sont typiques de ce Second Empire. Alors, est-ce que ce salon de 1859 se passe bien pour Tissot, lui qui expose au salon pour la première fois, Marine Kiziel? Il est content de ce salon, Tissot? Alors, pour vous répondre, j'ai mon sentiment, j'ai évidemment en main les critiques de l'époque, mais pas de témoignage de Tissot véritablement. Comme souvent, quand on s'intéresse à la carrière d'un jeune artiste, les témoignages sont plus rares qu'à la fin d'une carrière, surtout quand elle a fonctionné. Et pour tout dire, je ne sais pas exactement ce que Jacobus pense au salon de 1859 de son succès et de ses tableaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il continue à peindre, il continue à faire sa place dans le monde de l'art, il va, dès l'année suivante, vendre des tableaux à ce grand marchand du 19e et du Second Empire qui s'appelait Adolphe Goupil, et c'est le début de la notoriété. J'ose espérer donc que notre jeune ami en 1859 ait heureux de lui-même. Et puis, vous l'avez dit, hein, Marine Kiziel, il y a le succès, il y a une reconnaissance avec cette exposition. Et dès lors, ce nom apparaît sur la scène du monde des arts, Tissot. Mais alors, qui est-il, Tissot? Ben, si nous nous mettons à la place d'un amateur d'art de 1859, c'est vrai qu'on va se demander, mais il vient d'où? Qui est-il? Qui est ce jeune homme? Alors, moi, je vous pose la question, Marine Kiziel, il vient d'où? Tissot, c'est un jeune homme qui est né à Nantes, qui a regardé les bateaux, les oiseaux, les gréements, à une période où Nantes est encore un grand port. La mer, l'eau arrive jusqu'aux portes presque de Tissot, qui rêve de lointain, je crois. Et dans le même temps, ce petit garçon, ce petit jeune homme que l'on envoie étudier dans les Flandres, que l'on ramène à Nantes pour poursuivre ses études, eh bien, a des attaches franc-comtoises. Sa famille est originaire de Franche-Comté, non loin de Besançon. Et bientôt, son père va se réinstaller en Franche-Comté après que la fortune familiale a été établie. Ses parents sont marchands de mode et de draps, c'est-à-dire qu'il naît en fait dans un magasin de couture, on dirait aujourd'hui. Il naît au milieu des tissus, des rubans, il va en garder là aussi une forte empreinte. Et ce petit jeune homme arrive à Paris. À la toute fin des années 1850, s'installe, se présente à un compatriote aussi nantais qui s'appelle Jules-Élie Delaunay et qui a commencé à faire carrière, qui lui dit qu'il faut aller étudier dans l'atelier de la Motte, qui fut un élève de Flandrin, qui fut un élève d'Ingres, et vous sentez là la grande tradition de l'héritage ingresque arrivée jusqu'à Tissot. Et puis, ce petit jeune homme, effectivement, fréquente l'école des Beaux-Arts, fréquente de jeunes rapins qui, comme lui, s'intéressent à la peinture, et je nommais Degas, mais on pourrait aussi nommer Moreau. Et le voilà qui commence à peindre, et le voilà qui commence donc à rêver, et peut-être à rêver de cette période médiévale avec d'autant plus de facilité que lorsque son père s'est réinstallé en Franche-Comté, il a acheté ce grand domaine de Buillon, qui comporte certes des quartiers très habitables et très sympathiques, mais aussi les ruines d'une ancienne abbaye médiévale, cistercienne, et donc... je le disais, une petite chapelle néo-gothique que l'on fait construire, mais aussi les ruines d'une chapelle du XIIe siècle, absolument superbe. Il y a de quoi rêver. James Tissot est né en 1836, donc il est jeune, effectivement, à la fin des années 1850. Hein. Il a la vingtaine, il a 23 ans. Marine Kiziel, James Tissot, nous prononçons son prénom, mais vous avez déjà donné un autre prénom, hein, c'est Jacobus. Quel est son prénom, en fait, à ce jeune homme? Parce que c'est vrai que James nous renvoie tout de suite dans un univers qui nous fait quitter la France et qui nous porte en Angleterre. C'est très juste, et effectivement, on a une idée, avec ce prénom de James, de ce que Tissot va adopter, qui est cette anglophilie du Second Empire que l'on a beaucoup célébrée. Mais si l'on a pu penser qu'il s'était appelé James en arrivant à Paris, pour justement célébrer cet attachement à l'Angleterre, à la peinture anglaise, en vérité, quand nous avons travaillé sur l'exposition, nous avons creusé les archives, nous avons vraiment fouillé toutes sortes de documents et découvert, avec surprise, avec une certaine délectation aussi, parce que c'est toujours intéressant de parfois rompre les mythes, nous avons donc découvert que lorsqu'il est inscrit à l'âge de 11 ans au collège jésuite de Brugelette dans les Flandres, où ses parents l'envoient, il est inscrit sous le nom de James. C'est peut-être la décision de celui qui est né Jacques-Joseph Tissot, c'est peut-être celle de ses parents, en tout cas il n'attend pas de se faire peindre pour se faire appeler James. Voilà, la nécessité aussi de faire des expositions, c'est qu'elles permettent de faire avancer la recherche. Cette exposition, c'est James Tissot, l'ambigu moderne au musée d'Orsay, dont vous êtes commissaire, Marine Kiziel, avec Paul Perrin et Cyril Siama. Je vous propose d'écouter une critique de Léon Lagrange, donc critique d'art, en 1864, dans la Gazette des Beaux-Arts, à propos d'une œuvre de Tissot qui est exposée au salon. Et oui, Tissot construit sa carrière. Le portrait, cette forme paisible et familière de l'histoire, semble tendre de plus en plus à s'élever au-dessus de l'intérêt bourgeois. On rencontre au salon de 1864 un certain nombre de toiles sur lesquelles l'artiste a groupé plusieurs de ses contemporains, comme s'il voulait laisser à l'avenir une image de son époque, analogue à celle que nous ont léguée les écoles flamandes et hollandaises du XVIIe siècle. Monsieur Tissot n'a groupé que deux personnages, deux sœurs, mais ce double portrait est assurément un des meilleurs du salon. En somme, les deux portraits exposés par Monsieur Tissot sont de véritables tableaux, et ce sont de bons tableaux, dont le premier mérite consiste dans la sincérité du sentiment moderne. Longtemps voué à l'archaïsme le plus prétentieux, Monsieur Tissot avait une terrible revanche à prendre de lui-même. Il l'a bien commencé. Élodie Hubert qui nous lisait une critique de Léo Lagrange sur le salon de 1864. Nous avons ici un tableau qui est évoqué, deux sœurs, un double portrait que Léo Lagrange considère sans doute un des meilleurs du salon. Donc Tissot est reconnu comme portraitiste. Qu'est-ce qui fait qu'il est reconnu plus que d'autres? Il maîtrise la technique évidente, les tissus notamment. C'est vrai que quand on voit les œuvres de Tissot, les robes sont chatoyantes, il y a quelque chose qui nous touche systématiquement. On est sans doute touché par la peinture de Tissot parce que son fer est brillant, vous l'avez dit, parce qu'il a ce goût des tissus, des chatoiements, mais aussi parce que toujours il réussit à saisir quelque chose. Et je reste relativement floue à dessein, puisque sa peinture, en fait, tout au long de sa carrière, dit autant qu'elle retient. Et c'est peut-être pour cela précisément qu'elle nous retient. On a le sentiment d'y voir des choses, d'y voir des narrations, d'y voir des personnages, d'y voir des portraits. Mais en fait, on ne sait jamais exactement trop ce que l'on regarde, de qui et de quoi il est question. Et précisément, ce tableau que vous citiez, Les deux sœurs, que Tissot expose en 1864 sous le titre Les deux sœurs, portrait, est un excellent exemple de cette facétie avec laquelle Tissot aborde la question des genres, puisqu'effectivement, il présente ses deux sœurs en disant que c'est un portrait, mais il ne précise pas de qui, et nous savons en fait que ce ne sont pas du tout des personnes réelles, ce sont en fait des personnages que Tissot invente, ce sont deux modèles qu'il fait poser dans l'atelier, mais avec l'idée, on est dans le début de sa carrière, de s'imposer comme portraitiste. Et exposer au salon, face aux bourgeois, face au public, ce qu'il appelle portrait, et de même, le portrait de Mademoiselle LL que vous citiez n'est pas plus celui de Mademoiselle LL dont les initiales nous seraient cachées que celui de Madame Bovary, est tout simplement la représentation d'un modèle. Mais Tissot dit par là, je suis capable de faire des portraits, voyez-le et appréciez-le, et peut-être même, si vous le souhaitez, commandez-moi des portraits. C'est une mise en avant de ses talents et une construction très, très classique, mais très efficace de sa carrière. Et puis pour comprendre un peintre, Marine Kiziel, il faut aussi le replacer dans son contexte. C'est-à-dire que dans le champ de l'art, il y a plein de voies possibles et ces années 1860, donc sous le Second Empire, sont essentielles. Tissot, nous en parlons, au salon 1864, propose un portrait qui est remarqué, mais nous sommes à un moment où il y a des combats artistiques d'ailleurs très forts dans la presse. Ça débat violemment. L'année précédente, Manet a fait scandale, lui aussi, parce qu'il a été refusé, lui, du salon, alors d'où la création du salon des refusés. Pour un peintre du Second Empire, il y a plusieurs voies possibles. L'idéal, c'est de se faire acheter au salon par l'État, et puis après, comme ça, les commandes en découlent. Comment James Tissot, lui, envisage sa carrière? Il veut être un peintre reconnu. Il n'est pas du tout dans ces autres démarches que l'on va trouver, je sais pas, chez Courbet, chez Manet, justement, ou Monet encore, qui commence à peindre dans ces années-là. Il se situe comment dans ce monde de l'art? Dans les années 1860 et par ailleurs dans la suite de sa carrière, Tissot ne cherche pas véritablement à jeter, si je puis dire, un pavé dans la mare artistique. Il ne va pas donc chercher, comme a pu le chercher Manet l'année précédente, vous l'avez dit, un grand succès de scandale. Ce n'est pas le peintre des Déjeuners sur l'herbe et des Olympias, même si sa peinture est pleine de nuances, de sous-entendus, de facéties. Et effectivement, il cherche à s'imposer au salon qui reste, mais Manet le pensait aussi, l'arène véritable, l'endroit où ferrailler avec les courants régressifs ou conservatistes en art. Et quand Tissot représente ses deux sœurs, il cherche donc à faire avancer comme cela le cours des arts. C'est le premier salon où il expose des tableaux à sujet ouvertement moderne. Ce n'est pas une Marguerite, on a quitté les Faustes et les parages du médiéval. Et en fait, il s'inscrit dans la veine, je le disais donc, de Courbet, de Manet, et il cherche à se montrer novateur, mais dans cette arène qui peut être à certains égards considérée comme traditionnelle. Et les grandes femmes au jardin de Monet, qui arriveront quelques années plus tard, sont précisément refusées. Et c'est ce qui va lancer cette démarche de sédition des futurs impressionnistes. Nous n'exposerons plus au salon, disent-ils en somme, parce que nous n'y sommes pas acceptés, mais parce que nous n'acceptons plus à notre tour ce jury censeur qui n'a que de mauvais goût en art. Et c'est ce qui va amener les Monet, les Renoir, les Degas, en 1874, à exposés par eux-mêmes, à ouvrir la première de ces 8 expositions impressionnistes dont on se souvient bien plus que des expositions de Tissot, c'est entendu. Mais, il faut le noter, en 1874, quelques mois avant l'exposition impressionniste, ou qui sera du moins appelée telle, Degas écrit à son ancien ami James Tissot, leur lien commence à se distendre, Tissot est à Londres, j'imagine qu'on y reviendra, et lui dit « Exposez sur le boulevard, soyez de vos amis et de votre pays, cette exposition vous fera du bien. » Et Tissot refuse. Pour bien des raisons, mais peut-être aussi parce que sa carrière est suffisamment lancée, il expose cette année-là à la Royal Academy à Londres, c'est très officiel et très valorisant, il est donc sans doute trop en vue pour aller exposer sur le boulevard avec des peintres qui, à cette époque, ne sont rien. Et au demeurant, laissez-moi peut-être préciser que, justement, pour remettre les choses en perspective, lorsque, dans ces années 73-74, Monet a un mal infini à vendre un tableau 100 francs, Tissot va vendre des tableaux pour 30-35 000 francs à un grand marchand londonien. Et évidemment, vous comprenez que si aujourd'hui le cours de l'histoire s'est inversé, à l'époque, Tissot était lui le grand artiste, et c'est Degas qui lui écrivait en lui disant « Donnez-moi des chiffres, expliquez-moi comment vendez-vous, comment faites-vous ? » En somme, pourquoi réussissez-vous et nous pas ? Oui, parce que dès le Second Empire, James Tissot est un artiste reconnu parce que il a accès à la très bonne société, à l'aristocratie dont il fait les portraits. Je vous propose la lecture d'une autre critique. Alors cette fois-ci, elle porte sur le salon de 1869. C'est une critique d'Élie Roy dans le journal L'Artiste qui se consacre sur l'œuvre de Tissot. C'est vrai que ces critiques de salon sont très intéressantes parce que on sent les peintres passer comme ça les uns après les autres et à un moment, Tissot arrive. Alors, que va dire le critique sur l'œuvre de Tissot ? Monsieur Tissot s'est voué cette année au sujet moderne, mais il y a apporté le parti pris, on peut dire, ethnographique. Sa veuve n'a rien de touchant au point de vue du sentiment, et on pourrait lui dédier certains vers qu'Alphonse Karr adressait à une autre veuve facile à consoler et dont le sens était « Vous portez le deuil, le noir va si bien aux blondes. » Sous une tonnelle verte, découpant des feuillages grimpants, elle fait un ouvrage de tapisserie. Ses bras et ses épaules, d'un aimable embonpoint, se devinent sous le crêpe transparent, et sa robe légèrement relevée laisse voir un pied irréprochablement chaussé d'étoffe. Près d'elle, une fillette, accoudée sur une chaise en bois blanchi, regarde silencieusement. La vieille grand-mère fait la lecture. Rien de plus simple comme sujet, rien de plus compliqué comme exécution. Tout ce que notre luxe hétérogène peut entasser de bizarreries élégantes, sièges en jonc tressé, corbeilles, jardinières, tabourets, tout cela est rendu, détaillé comme pour un inventaire, avec une perfection désespérante. Car par un oubli complet de la perspective aérienne et des effets de plein air, aucun objet n'est à sa place. Elodie Hubert qui nous lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture, le journal L'Artiste en 1869, à propos du salon de cette année-là, une critique d'Élie Roy. Marine Kiziel, le regard porté sur Tissot est intéressant parce que nous sentons un homme qui ne vient pas du tout de ce monde parisien, qui ne vient pas du tout de l'aristocratie et qui est malgré tout fasciné par ce monde-là. On sent qu'il veut, alors sans doute pas l'intégrer parce que ce n'est pas possible, mais en être proche. Mais détrompez-vous, en vérité, Tissot réussit assez bien à intégrer ce monde. Vous avez raison de dire qu'il l'admire, qu'il cherche à s'y faire une place. Il va le devenir avec un succès très éclatant, le peintre des élites. Si l'on songe à ce grand tableau désormais au musée d'Orsay, qui est le cercle de la rue Royale, C'est vraiment le portrait de 12 messieurs parmi les plus fortunés du boulevard Saint-Germain, de cette aristocratie et de cette aristocratie de l'argent aussi, de la banque qui émerge sous le Second Empire. Tissot les représente, mais aussi parce qu'il les connaît, parce qu'il les fréquente, et parce que grâce à un personnage clé, le marquis de Miramont, il est intégré dans certains des cercles. Alors certes, Tissot ne fait pas partie du cercle de la rue Royale, certes, comme ces jeunes gens d'ailleurs, il ne fait pas partie du Jockey Club, qui est quand même l'Olympe de ces clubs à l'anglaise, mais Tissot est intégré au cercle de l'Union Artistique, où certains de ces messieurs sont également présents. Et ce faisant, par capillarité, oserais-je dire, il obtient des portraits, il obtient des commandes, et il se fraye une place dans ce Paris qu'il a en fait très vite conquis, et qui est conquis par ses tableaux, par son fer facile peut-être aussi, facile dans un sens positif, c'est-à-dire par l'élégance de son pinceau et la justesse avec laquelle il capte son époque. Mais le Second Empire s'effondre brutalement à l'été 1870 lors de la guerre contre la Prusse. Le 4 septembre, la République est proclamée, la guerre continue. Hein. Et puis, quelques mois plus tard, en 1871, c'est la Commune insurrectionnelle de Paris. Pour un peintre comme James Tissot, qui a approché l'élite, l'aristocratie, c'est un monde qui s'écroule. Comment vit-il ce moment traumatisant pour tous les Français et puis pour lui particulièrement ? La guerre de 1870 et ensuite l'épisode communard en 1871 sont dans le cours de la vie et de la carrière de Tissot un sacré problème, si on pouvait le dire ainsi. C'est-à-dire que la perspective et la courbe ascendante de sa carrière qui vraiment est exponentielle tout au long de la deuxième décennie du Second Empire trouve là un point d'arrêt. Peut-être aussi un premier point d'orgue. Une partie de sa carrière se referme dans une ville. Le fait de fermer des portes permet peut-être souvent d'en ouvrir d'autres et de manière très, très consciente, mais aussi très, très puissante. Et c'est ce qui va se passer puisque après s'être engagé dans la défense de Paris, avec Degas, avec Manet, avec tous ceux qui sont restés à Paris même, après aussi être resté à Paris pendant la Commune, alors que bien des Parisiens sont sortis de Paris à l'issue du siège, Tissot part à Londres. Toujours est-il que, communard ou non, Tissot part dès après la Semaine sanglante pour Londres. Il est à Londres dans les au milieu de juin 1871 et on peut là assurément se dire qu'il fait un choix personnel en même temps qu'artistique. Imaginez Paris. Paris, après des mois de siège, après cet épisode insurrectionnel et très, très coûteux en vie pour la France, mais aussi politiquement parce que c'est une guerre civile pour la nation et cette république que l'on essaye d'installer. Paris est en larmes. Paris est un champ de ruines. Et évidemment, vendre une peinture dans ce contexte, ce ne sera pas facile. Retrouver des commanditaires qui furent l'élite d'un régime déchu, c'est absolument impossible, ou presque. Et voilà donc sans doute pourquoi, communard ou non, on ne sait pas exactement trancher, Tissot part à Londres. Cela ressemble à un exil, cela n'est pas exactement, puisqu'il demeure près d'une décennie à Londres, qu'il s'installe, il ne cherche pas à revenir juste après l'amnistie des communards. Et à Londres, il va retrouver de nouvelles élites, un nouveau marché, et aussi sans doute ce ton anglais qui sied si bien à son pinceau. Oui, parce que ce n'est pas parce qu'il s'appelle James que sa carrière est assurée à Londres. Marine Kiziel, il s'installe à Londres et il reproduit en fait ce qu'il avait déjà fait à Paris, c'est-à-dire qu'il devient un peintre pour les portraits de l'aristocratie anglaise. Il refait vraiment ce même cheminement. Il était déjà connu, il y avait déjà eu des échanges. Tissot était un peintre uniquement français ou il avait déjà eu un petit rayonnement au moins en Europe? Il a effectivement un rayonnement dans la sphère britannique, mais européenne plus largement, parce qu'effectivement, les tableaux comme celui que vous citiez, La Veuve, ou les tableaux japonais de la fin des années 1860, il les vend en Amérique, il les vend à Vienne, via Goupil notamment, ce grand marchand, mais aussi d'autres. Et Tissot a déjà une petite place sur la scène anglaise, puisqu'il s'est occupé de se transporter vers les cimes britanniques dès les années 1860. Il est présent à la Grande Exposition Universelle à Londres en 1862. Il expose à partir de 1863 sur les cimaises de ce que l'on appelle alors la French Gallery, qui est une galerie privée dans laquelle on présente beaucoup d'art européen, c'est-à-dire continental pour les Britanniques, donc dès 1863 et tout au long du Second Empire. Et puis, et c'est vraiment ce qui va lui permettre de s'installer de manière très, très fructueuse en Angleterre, il est, dès la toute fin du Second Empire, en cheville avec le directeur de Vanity Fair, ce magazine qui a changé de facette et de visage plusieurs fois pour arriver encore vivant jusqu'à nous. Et pour Vanity Fair, Tissot, qui est en contact donc avec Thomas Gibson Bowles, le rédacteur en chef et le fondateur de la revue, fait des caricatures. Et là, on ne l'attend pas caricaturiste, et c'est une première idée de la diversification de son talent qu'il ne cessera d'approfondir. Tissot fait des caricatures des têtes couronnées européennes, et puis, une fois à Londres, continue d'en produire pour Vanity Fair, représentant en fait tout le gratin artistique, politique, mais aussi mondain, londonien. Et il signe, c'est intéressant, sous le pseudonyme de Coïdé. Et on a pu penser que co-idée, c'était l'idée avec quelqu'un, deux idées, co-idée, les idées de Tissot mêlées à celles de son protecteur aussi, on peut le dire, Thomas Gibson Bowles, qui lui donne de l'argent via ses commandes, mais qui va aussi le présenter très largement dans les premières années à Londres, puisque c'est lui qui l'accueille en fait en 71, à une élite qui va lui commander des portraits. James Tissot devient une figure du monde londonien. Il est recherché, hein, parce que un bon peintre, c'est vrai que c'est important pour l'aristocratie. Un mauvais portrait, il n'y a rien de pire à mettre dans un salon. Je vous propose, Marine Kiziel, un extrait du documentaire James Tissot, l'étoffe d'un peintre, produit entre Arte et le musée d'Orsay, réalisé par Pascal Boenic. Et dans ce documentaire, nous allons avoir une évocation justement de ce qui fait vraiment la réputation de Tissot, pas seulement, mais c'est sa maîtrise technique et notamment autour des tissus. Des costumes médiévaux aux kimonos japonais, Tissot s'est révélé en peintre de vêtements historiques. Or voici qu'il donne au salon de 1864 une mademoiselle LL aux initiales mystérieuses, dans une robe qui, à n'en pas douter, n'appartient pas à sa grand-mère. C'est une femme qui lit, qui dessine, peut-être. Peut-être qu'il y a des prétentions intellectuelles. C'est quelque chose qui va gêner certains critiques au salon, au moment où le tableau est présenté, où on va y voir un bas bleu, ce qu'on appelle les bas bleus à l'époque, donc ces femmes écrivains qui ont des prétentions intellectuelles. Et un des critiques dit que peut-être sous cette jupe, il y a des bas bleus. James Tissot, l'étoffe d'un peintre, documentaire visible sur Arte. Nous entendions votre co-commissaire, Marine Kiziel, c'est Paul Perrin, qui nous parlait justement de ces œuvres de Tissot. Tissot, en fait, a un écho évident avec l'aristocratie anglaise. Il est tout de suite recherché. C'est un peintre dont on est fier d'obtenir une commande, parce que Tissot est très sollicité. C'est vrai, et dans le même temps, cela devient rapidement, sinon faux, du moins atténué. Et je m'en explique tout de suite. Tissot, effectivement, obtient des commandes de portraits rémunératrices aussi pour son faste, sa connaissance par le public, dès le début de ses années anglaises. Mais en vérité, rapidement, il va cesser de faire des portraits pour s'intéresser au monde, pour s'intéresser à ce Londres bouillonnant et divers qu'il regarde avec les yeux d'un étranger. Et Tissot, donc, cesse d'être portraitiste, peut-être parce que sa carrière est suffisamment établie, sait-on jamais, pour se faire portraitiste dans un sens beaucoup plus large, le portraitiste d'une société, non plus de personnes en particulier représentées pour elles-mêmes, mais le portraitiste, le représentateur, je forme ce néologisme pour nous à l'instant, d'un monde qui est ce monde londonien, fastueux, mondain, mais aussi relativement populaire, puisque Tissot se transporte avec une aisance qui suscite l'admiration des grands salons, où des invités vont arriver trop tôt. C'est le sujet d'un tableau qui s'appelle Too Early, qui est une critique assez acerbe en fait des mœurs londoniennes, des protagonistes arrivent trop tôt à un bal et les voilà en fait ne sachant plus quoi faire d'eux-mêmes au sein d'une grande salle vide. Tissot est aussi un petit peu caricaturiste là dans sa peinture et va donc se transporter de ces grands salons jusque sur les bords de la Tamise où de jeunes marins couvent du regard des jeunes femmes qu'ils semblent vouloir séduire sinon pour chasser. Et cette grande aisance à se transporter d'un monde à l'autre, c'est peut-être aussi celle de Tissot qui naît dans le magasin de sa mère et parmi les marchandes de mode et qui va fréquenter à son arrivée à Londres Lady Waldegrave, qui est une grande personnalité du Londres mondain et une grande aristocrate. À Londres, James Tissot redécouvre une reconnaissance, ou on va dire retrouve une reconnaissance qu'il avait connue en France. La fortune, évidemment, ça c'est aussi quelque chose qu'il trouve à Londres. Et puis surtout, il trouve l'amour. On pourrait dire que nous sommes en marge de la vie de l'artiste. Mais en l'occurrence, pour James Tissot, il est essentiel d'évoquer cet amour parce que tout de suite, cela s'inscrit dans son œuvre. Racontez-nous ça, Marine Kiziel. En 1876, Tissot, qui s'est installé dans le quartier artiste mondain et aussi peuplé de demi-mondaine, il faut le dire, de St. John's Wood, à Londres, rencontre une jeune, une ravissante Irlandaise, comme il l'appelle, Kathleen Newton, de 20 ans ou presque sa cadette, superbe, grande, élégante, aux traits fins, et qui devient sa muse, son idéal, et la représentation la plus pure, peut-être, de ce qu'est la beauté féminine. Si bien que, lorsqu'un journal relativement populaire, The Graphic, demande à un certain nombre d'artistes, quelques années plus tard, de représenter leur type of beauty, leur type de beauté, Tissot représente Kathleen et l'appelle simplement l'été. Elle est solaire, elle est remarquable, elle est belle, elle l'accompagne dans sa vie, et elle arrive aussi dans sa vie avec un bagage qui est déjà lourd, puisque de 20 ans à peine, elle a à ses côtés deux petits-enfants et un mariage tout à fait avorté qui n'a duré que quelques instants avec un certain Isaac Newton. Et toujours la vie de Tissot rencontre ce genre de patronyme. On a l'impression que les mondes se mélangent. Et le docteur Newton, donc, qui donne son nom à Kathleen, n'est rien dans la vie de Tissot, tandis qu'elle est tout. Elle devient celle pour qui, parce qu'elle est divorcée, parce qu'elle arrive avec des enfants, il se coupe d'une certaine société mondaine londonienne et on a pu le dire, se replie sur le jardin de St. John's Wood, qui devient comme un jardin d'armide, où, dans ses filets, la patiente Kathleen, parfois représentée en araignée, englobe et finit par emprisonner le peintre. Mais encore une fois, si vous me le permettez, un « mais » est important. On découvre en fait en travaillant que Tissot a connu un important revers. En 1875, le tableau qu'il avait peint représentant le portrait de l'impératrice, de l'ex-impératrice Eugénie et du prince impérial est rejeté, refusé par la Royal Academy. Et il semble qu'après cela, les grands marchands londoniens qui avaient fait sa fortune jusqu'à ce moment se détournent de lui. C'est donc pas complètement Kathleen, ce grand amour qu'il détourne de la scène artistique, c'est peut-être aussi un revers de fortune artistique, picturale, et qu'il ne doit qu'à lui-même. Et le revers est également sentimental. Kathleen est une femme aimée, charmante, mais l'amour ne sauve pas de la maladie. Écoutons Catherine Mavournine. The great dawn is breaking, the horn of the hunter is heard on the hill, the lark from her light wing, the bright dew is shaking, Kathleen Mavournin, what long how soon we must sever, oh, hast thou forgotten this day we must part? It may for years, and it may be forever. Then why art thou silent, the voice of my heart? It may be for years, and it may be forever. Then why art thou silent, Kathleen Mavourneen? Marine Kiziel, ce que nous venons d'écouter, pour vous, a un écho à la vie de James Tissot. Effectivement, parce que cette terre qui est sur toutes les lèvres quand Tissot s'installe en Angleterre, qui a été jouée et donc adoubée devant la reine Victoria quelques années auparavant, cette terre est une ballade irlandaise, Kathleen est elle aussi irlandaise, célébrant une Kathleen Mavourneen, c'est-à-dire en irlandais une petite chérie, Mavourneen, et cette Kathleen de la chanson, le narrateur lui demande si elle sait que bientôt ils devront se quitter, et que ce sera peut-être pour un jour, mais aussi peut-être pour toujours. Et quand on sait que la véritable Kathleen Newton, l'amour de Tissot, était tuberculeuse, et que donc leur amour est aussi le temps où Kathleen se consume jusqu'à disparaître, en fait, en 1882, on comprend que cette chanson a un écho particulier dans l'esprit et dans le cœur de Tissot, et l'on comprend mieux les tableaux où il célèbre Kathleen déclinante, mais aussi ce portrait superbe, automnal, si ce n'est hivernal, où Tissot représente Kathleen et qui s'appelle Mavourneen. Kathleen se meurt, bientôt Kathleen est morte. C'est une histoire tragique, très romantique, très narrative aussi, qui à elle seule reprend un certain nombre des traits de ce qu'est la peinture de Tissot en Angleterre. Une peinture qui raconte, mais qui ne dit pas tout, et une peinture qui célèbre, à bien des égards, l'amour. La mort de cet amour a des conséquences dans la vie de James Tissot, au-delà de la tristesse, c'est qu'il quitte l'Angleterre, il revient en France. Oui, 5 jours après le décès de Kathleen Newton, Tissot arrive à Paris. On le sait grâce au journal des Goncourt, ou plutôt d'Edmond de Goncourt, survivant de son frère. Tissot quitte, en l'espace de peut-être une semaine, rien de plus, une décennie de sa vie, une fois de plus. Alors il y avait eu en 71 l'exil de Paris à Londres, et il y a en 82, comme cela, une porte qui se claque, une porte qui se ferme, et Tissot qui réouvre la sienne, celle de son hôtel particulier à Paris, dans la nuit du 14 au 15 novembre 1882. On est dans les grands effets théâtraux d'une vie qui est en fait très théâtrale, et qui, peut-être comme une pièce de boulevard, se joue avec une entrée, une sortie, et toujours une nouvelle scène et une renaissance. Alors cette renaissance va-t-elle être formidable pour Tissot, une nouvelle carrière qui s'ouvre à Paris après avoir connu la gloire sous le Second Empire en France, puis en Angleterre, de nouveau il est en France. Écoutons ce qu'écrivait Huysmans, l'écrivain Huysmans, dans ses écrits sur l'art moderne, c'était un peu plus tard, hein, en 1889, donc 7 ans après le retour de James Tissot en France. Bon, le retour est là, mais le succès l'est moins. En dépit des sourdes révoltes que soulevaient en moi leur rigide manigance, j'ai longtemps aimé les eaux-fortes de M. Tissot. D'aucunes me sollicitaient par leur ferme aplomb, par leur solide assise de planches méthodiques, d'architecture, si l'on peut dire, par leur ton sépiacé largement gravé dans du papier fort. Telles ces misses sur des ponts de paquebots penchés, ou en compagnie d'un soldat abonné à poil dans une barque. Il y avait là un sentiment spécial du moderne anglais. C'étaient des eaux-fortes protestantes, un peu lourdes, mais rendant parfois un amusant entour de cordages et de vergues, des fonds de tamise, sur lesquels se détachaient quelques grandes filles un peu godiches, quelques femmes bornées d'esprit mais de chair saine. Malheureusement, M. Tissot a jugé bon de passer la Manche et d'exposer à Paris de la peinture. Malheureusement, M. Tissot a jugé bon de passer la Manche et d'exposer à Paris de la peinture. Écrit Huysmans en 1889, une lecture d'Élodie Hubert dans le cours de l'histoire sur France Culture. Marine Kiziel, le retour de Tissot en France n'est pas un véritable succès. Ses œuvres pourtant restent fascinantes hein, quand on peut les voir, les croiser. Et puis il y a le documentaire qui est toujours visible. Hein. James Tissot, l'étoffe d'un peintre. Son retour en France n'est pas un immense succès, en tout cas moins que ce qu'il attendait. Disons que le retour en France de Tissot n'aboutit pas à un coup d'éclat ou de nouveau à des ventes extraordinaires et une multiplication des relations mondaines. C'est vrai qu'il arrive à Paris avec une relative discrétion, qu'il cherche à regagner les faveurs du marché parisien et qu'il n'y arrive pas exactement. Mais il faut aussi peut-être se souvenir que les peintres sont des hommes, le chagrin l'étreint sans doute, et le génie, pourrait-on dire, en a peut-être souffert. Toujours est-il que Tissot n'est pas pour autant inintéressant, qu'il se relance dans la conception d'un grand cycle de peinture, 15 tableaux sur le thème de la femme à Paris, qu'il expose en 1885 à Paris, toutes ensemble. On imagine une sorte de grand kaléidoscope de ce qu'est la femme à Paris, puisqu'il va représenter les femmes d'artistes, la demoiselle de magasin, la demoiselle d'honneur, ces dames des chars, les femmes de sport, les demoiselles de province, la plus jolie femme de Paris. Et je pourrais continuer faisant de cette manière, par la peinture et par de grands tableaux qu'il peint en fait relativement vite, une grande fresque de la féminité parisienne. Il a quitté la femme de sa vie, sans doute Catherine, qu'il a laissée à Londres, et le voilà à Paris, retrouvant dans les visages féminins des parisiennes quelques traits de Catherine. Et cette ambiguïté, cet amour de la femme transmué dans la diversité des femmes de Paris, ne va pas complètement en 1885, et puis en 1886 à Londres, où les tableaux sont aussi exposés, séduire le public. Et les critiques attachées aux nationalités artistiques, les critiques français expliquent que ces Français, ces femmes de Paris sont probablement trop anglaises, tandis que la critique anglaise juge qu'elles sont en vérité très parisiennes. Et c'est intéressant de voir que cet artiste qui avait été au départ presque naturalisé par la critique et par la peinture britannique redevient un Français, interlope entre les mondes, et un homme que l'on ne se dispute plus effectivement. Mais ce relatif échec, les tableaux seront quand même vendus pour 70 000 francs à Londres, ce qui est une somme absolument substantielle. Ce relatif échec est aussi le moment pour Tissot d'ouvrir une nouvelle porte et d'aller vers un nouveau départ. Une année plus tard, Tissot se rend en Palestine, en Terre Sainte, et va entamer la dernière grande phase de sa vie dédiée à l'illustration de la Bible. Et ce n'est pas rien, une fois remise en contexte, que cette aventure biblique et religieuse. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui le porte au mystique, et c'est vrai que la perte d'un amour peut conduire à ce type de réflexion, surtout que James Tissot se renferme de plus en plus. Enfin, il se retire en fait dans le domaine familial de Buyon. Tissot, c'est un vrai bon communicant. Et effectivement, la presse, dans ces années-là, l'explique dans des termes que vous avez repris. Tissot devient l'ermite de Buyon, il se retire de la scène parisienne, il retrouve son abbaye, et peut-être, même dans certains entrefilés, on est porté à croire qu'il s'est lui-même fait moine. Mais en fait, Tissot ne fait rien de tout ça. Très habilement, il va commencer à voyager, il ira trois fois vers la Terre Sainte, à rassembler des documents pour représenter non seulement les lieux de la vie et de la mort du Christ, mais aussi de ses contemporains, va s'intéresser à différents détails en une démarche très archéologique pour retrouver de quoi nourrir ses compositions. Et puis, il va aussi faire tourner les tables. Et dans le même temps où il s'inscrit dans une démarche religieuse, il va en fait pratiquer le spiritisme et s'intéresser au mysticisme de façon très poussée. Une façon si belle qu'en fait il cherche à faire revenir Kathleen Newton auprès de lui grâce à un médium anglais qui s'appelle William Eglinton, et en 1885, à la lumière et peut-être grâce aux vapeurs, sait-on jamais, du gaz bleu qu'Eglinton fait jouer lors de ses séances, Kathleen réapparaît à Tissot. Et cette apparition, il la représente en peinture, dans un tableau qui s'appelle l'apparition médiumnique et qui a longtemps été perdu, on l'a cru perdu. Tissot l'avait gardé jusqu'à la fin de sa vie. L'apparition avait disparu après la vente du domaine en 1964 et nous l'avons retrouvée. Elle est réapparue et elle attend donc les visiteurs sur les cimaises du musée d'Orsay. Kathleen Newton qui meurt en 1882, que James Tissot retrouve grâce à un spirit, et puis qu'il retrouve, alors là en vrai, 20 ans plus tard, en 1902, parce que lui-même meurt, et il rejoint Kathleen, qui l'a tant aimé. Mais c'est vrai que la question se pose, et ce sera ma dernière question, Marine Kiziel, pourquoi James Tissot a été oublié? Ah, c'est une très vaste, très importante et très épineuse question sans doute. Laissez-moi répondre en plusieurs temps. Tout d'abord, j'imagine parce que Tissot est, on a commencé l'émission en le disant, un homme qui a vendu et a eu du succès dans le temps même de sa création. Et l'histoire de l'art, vous en conviendrez, l'histoire en général, s'intéresse parfois à ceux qui ont eu des débuts difficiles, qui ont eu des carrières heurtées, et que l'on retient parce qu'ils ont été ceux des combats, des avant-gardes. Tissot n'est pas un homme de combat aux yeux de l'histoire, et n'est pas exactement avant-gardiste, même si incessamment, il emprunte et il participe à façonner les termes des avant-gardes et cette modernité si importante des années 1860 et du reste du 19e siècle. Tissot a peut-être été oublié aussi parce que sa peinture a souvent versé dans les travers, on peut le dire, de la reproductibilité, ce qu'en tout cas on a considéré comme un travers, alors que c'était pour lui une quête et peut-être même une grande réussite. Sa peinture est une peinture souvent saturée, sans air, qui, au lieu de choisir, privilégie l'abondance de détails, qui rassemble tout, semble-t-il, sur le même plan, et qui fait que, face à ces atmosphères étouffantes, la reproduction de l'œuvre semble aboutir, finalement, à de vagues chromolithographies. Cette apparence de ces œuvres a sans doute atténué leur portée, elles n'étaient plus uniques, elles n'étaient plus dans le registre de l'unicité, elles avaient peut-être par cela perdu leur aura, et enfin, reproduites à l'envi, comme peut-être jusqu'au calendrier des postes et aux boîtes de chocolat, dans la première moitié du XXe siècle, elle est apparue pendant un certain temps comme complètement passée de mode, voire passéiste, voire rétrograde, et donc inintéressante. Et ça n'est qu'à partir de 1964 que l'œuvre de Tissot commence à réémerger. Et c'est là, alors que les historiens de l'art américains commencent à s'intéresser à une autre histoire de l'art que celle des grandes figures des avant-gardes et de la modernité, que, redécouvrant les Bouguereau, les Cabanel, on se réintéresse à des artistes dits académiques, même si Tissot ne l'est pas exactement, qui ont un fer plus léché et qui semblent en fait retrouver l'intérêt des historiens d'art à partir de ces années 1960-70, jusqu'à ce que en France, pour la première fois, on expose Tissot au Petit Palais, c'est l'œuvre de Thérèse Burolet en 1985. Merci beaucoup Marine Kiziel de nous avoir présenté James Tissot, l'ambigu moderne, c'est au musée d'Orsay. James Tissot qui a été évoqué, et c'est aussi une partie de sa gloire, par Proust dans La Prisonnière. Donc l'exposition Tissot au musée d'Orsay a été chahutée par le confinement, mais Tissot a été magnifié par un confiné. Merci beaucoup Marine Kiziel. Merci. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Inès De Bruyne. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijad. Une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrault. Demain, nous partons à la rencontre d'un peintre qui a été considéré au 19e siècle comme la crème de la crème. Et oui, nous irons voir Raphaël à Chantilly. À demain.